بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم اقتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ونفخي للكوف خسدان لشابيتر relatif aux adhiyas, aux invocations qu'il incombe de dire lorsqu'on sort de chez soi. Et parmi ces do'a-là, le fait de dire Bismillah. فالإنسان إذا قال بسم الله lorsqu'il rentre chez lui, فقال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Vous n'avez ni d'asile ni de repas. Parce que c'est une protection azim, hein? Toujours la protection de nos demeures. Et quel est le cas de nos familles. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم على أهل البيت et passe le salam aux gens de son foyer. فهذا زيادة في البركة. Allah عز وجل place à travers cette salutation, à travers ce salam, البركة والخير. تحية مباركة طيبة فسلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة. فça fait partie de la sunna de rentrer, de dire Bismillah et ensuite de dire Assalamu alaikum. كذلك on va évoquer certains des hadiths qui ont été évoqués comme invocation lorsqu'on rentre dans les demeures. Le hadith par rapporté par l'imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala selon Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que le prophète alayhi wa sallam قال اذا ولج الرجل بيته, lorsque la personne rentre dans sa demeure, فليقول اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج, qu'il dise oh Allah, oh Seigneur, je te demande le bien qui est à travers le fait que je rentre chez moi et je recherche le bien, je te demande le bien lorsque je sors de chez moi. Bismillahi walajna, au nom d'Allah nous rentrons. Wa bismillahi kharajna, au nom d'Allah nous sortons. Wa ala rabbina tawakkalna, et nous plaçons notre confiance en Allah, en notre Seigneur. Thumma yusallim ala ahlihi, et ensuite qu'il passe le salam à sa famille. Ce hadith, il n'est pas authentique. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi silsila sahiha, il a authentifié auparavant ce hadith. Le numéro 225 dans As-Sahiha, Al-Sheikh al-Albani, il a évoqué que ce hadith est authentique. Or, il est revenu sur ce hadith, sur le jugement de ce hadith, comme il est évoqué dans Ad-Da'ifa, le numéro 5832, il est revenu sur le jugement de ce hadith-là. Donc ça revient à ce qu'on a pu voir dans le cours précédent, ou dans le cours du dimanche, je pense, que l'imam, il peut faire un effort d'interprétation qui s'avère faux, et ensuite lui-même se corrige. Donc, ce hadith-là n'est pas authentique. Cheikh al-Albani, hatta, il est revenu sur le hadith, et il a jugé kadhalika de dhaif. Et il a ajouté dans Assisa dhaif, à la fin, il a dit, na'am, qala subhana man la yadhill wa la yansa. Purifié et exalté est celui qui n'oublie pas. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذني في الدنيا والآخرة. نعم. Donc lui-même il reconnaît qu'il s'était trompé. فالحديث هذا لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت. كذلك الحديث rapporté par Ibn Sunni رحمه الله تعالى selon عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما qui a dit que le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il rentrait chez lui en pleine journée il disait الحمد لله الذي كافاني وآواني, louange à celui qui m'a à travers lequel j'ai une suffisance et qui m'a réfugié. Alhamdulillah, il a dit at'amani wa saqani, louange à celui qui m'a nourri et qui m'a donné à boire. Qala alhamdulillah, il a dit manna alayya, celui qui m'a fait la faveur, yani de ses bienfaits. As'aluka an tujirani min an-nar, je te demande que tu me préserves du feu dans l'enfer. Et l'imam an-Nawawi rahmahullah ta'ala, il a évoqué que ce hadith, kadhalika, n'est pas authentique. Donc, yani la khulasa des afkar que le musulman se doit de dire lorsqu'il rentre chez lui, c'est de dire Bismillah et ensuite de passer le salam. Bismillah, ensuite il dit Assalamu alaikum. Ça, c'est ce qui est authentifié. Les autres hadiths, ce sont des hadiths qui sont faibles. نعم. تمام كمص إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. Qu'est-ce qu'il doit dire lorsque il rentre dans les WC? الخلاء c'est un nom qui a été donné par le fikum aux endroits où ils font leurs besoins. سمي بذلك الخلاء. قال بعضهم parce que يعني يخلو بنفسه parce qu'il est isolé. C'est un endroit où il est isolé, il est tout seul, il est pour faire ses besoins. Ça vient de ce verbe-là, al-khala, qui veut dire l'isolation. Enfin, ils ont donné ce nom-là au lieu dans lequel ils faisaient leurs besoins, car ils se retrouvaient tout seuls. Al-khala, naam. فَمَاذَا يَقُولُ قَالَ إِذَا أَرَادَ هُنَا قَالَ إِذَا أَرَادَ lorsqu'il veut. Certains, ils ont divergé à travers ce hadith qui va venir. Quand est-ce qu'il doit dire la dua? Est-ce que c'est au moment où il rentre dans les WC, est-ce que c'est avant ou lorsqu'il est dans les toilettes? As-sahih, c'est que lorsqu'il a envie, lorsqu'il a l'envie de faire ses besoins et qu'il se trouve près du lieu où il va faire ses besoins, à ce moment-là, il dit le dhikr avant de rentrer dans les toilettes. C'est pas au moment et c'est ni kazalika à l'intérieur. À l'intérieur, ça fait partie du makro d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces endroits qui sont sales, dans ces endroits dans lesquels c'est un refuge des shayatins. Fa as-sahih c'est qu'ils le disent avant de rentrer dans les toilettes. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. C'est ce qu'il doit dire avant de rentrer. Wa qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, ce hadith, il inclut kadhalika si jamais il se trouve à l'extérieur. Il a besoin de faire ses besoins à l'extérieur. Il dit kadhalika à partir du moment où il a trouvé son endroit pour faire ses besoins, il le dit aussi kadhalika à la du'a. Parce que certains ont évoqué que Al-Khala, c'est un nom qui est évoqué pour le besoin. C'est un nom qui est évoqué pour le besoin. Fa as-sahih, wallah alam kama qala huwa rahimahullah. Yani ça, ce hadith-là n'est pas spécifique aux endroits, les WC et ceci, cela. Lakin, hatta si jamais il fait ses besoins à l'extérieur, il a besoin de le faire à l'extérieur, kazalika, au moment de faire ses besoins, avant de faire ses besoins, il le dit. Il dit cette du'a-là, naam. Cet avis-là paraît être le plus juste, naam. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Al-hadith il est muttafaqun alayh, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Allahumma, au Seigneur, inni a'udhu bika, et je recherche le refuge auprès de toi, min al-khubthi, contre les djinns, c'est-à-dire les mauvaises personnes parmi les djinns, parce qu'il y a des musulmans, wa inna minna al-muslimun minna al-qasitun. Al-khub, c'est-à-dire les mauvaises personnes parmi les djinns. Wal-khaba'ith. On peut dire les diables, naam. Les diables et les diablesses. Naam. Contre les diables et les diablesses. Naam. Allahumma, certains ont évoqué que dans la langue arabe, on peut dire lahumma kazalika. C'est une lura. C'est une langue. Lahumma. Sans le L. Allahumma. Allahumma yajuz kazalika yuqal. Lahumma. Lahumma c'est une lura. Tu peux dire Allahumma ou Allahumma, lakin il est bon de dire Allahumma, surtout si jamais les personnes ne connaissent pas cette langue-là, cette manière de le dire, cette expression, il faut éviter. Lakin, à savoir que c'est une lura, c'est un style, yani arabique, qui est tout à fait légal. Inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khabath. Qala al-ulama, pourquoi on se doit de dire cette dua-là lorsqu'on rentre dans les WC? Parce que ce sont des endroits dans lesquels il y a des shayatin. Et Al-Khub, c'est-à-dire les diables, ceux qui nous veulent du mal. Et pourquoi ils se retrouvent regroupés dans les toilettes? Parce que c'est l'endroit où on retrouve de la saleté, et ils aiment tout ce qui est sale. Khub, ça vient de la saleté, ça vient de l'impureté. Et Kazalika, parce que ce sont des endroits dans lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas évoqué. Et Ma'ruf, yani al-Shaytan, c'est parmi ses sifas, c'est Khannas. Al-Khannas, c'est celui qui, lorsque le rappel est fait, il recule, il s'en va. C'est pour ça qu'ils ont pris comme refuge les toilettes, car ce sont des endroits awalan qui sont impurs, dans lesquels on retrouve des impuretés, et kazalika parce que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le dhikr, le rappel, n'est pas évoqué dans ces endroits-là. Donc ils prennent ces endroits-là comme refuge, comme est venu le hadith, il y en a dans ces termes-là. Le hadith rapporté par l'imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, an Zayd ibn Arqam, an Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, qala inna hadhihi al-hushush muhtadara. In hadil hushush, muhtadara. Hushush, c'est-à-dire les toilettes. Muhtadara, c'est-à-dire ce sont des lieux dans lesquels s'y trouvent des personnes. Thumma qala, yani fil hadith, fa idha ata ahadukum al-khala, fal yakul a'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. Ça, c'est la version qui est rapportée par l'imam Abu Daoud, rahimahallahu ta'ala. Enfin, lorsqu'on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, c'est parce que ces shayatin, les mauvais parmi les shayatin, prennent cet endroit-là comme refuge. Donc on prend le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ces personnes-là. On demande qu'Allah azza wa jalla nous mette sous la protection contre le mal de ces personnes-là qui se trouvent dans ces endroits-là. Donc si jamais on sait que c'est un endroit dans lequel s'y trouvent les shayatin al-khubth, ceux qui se sont jurés de nuire à Ben Adam, donc il ne faut pas oublier de dire cette dua-là. Elle n'est pas wajiba, lakin al-insan, celui qui est aqil, celui qui est raisonnable, il va tout faire pour se s'accaparer le bien et préserver ses personnes, sa personne, et préserver kadhalika ceux qui l'aiment. Donc il va enseigner cette dua-là à ceux qui l'aiment, et il va lui être assidu à cette dua-là, afin de ne pas être touché par le mal de ces shayatin-là. Et kadhalika, ça nous invite, ça nous appelle à ne pas rester, yani bila haja, sans nécessité dans ces endroits-là. Parce que ce sont des endroits dans lesquels on retrouve le mal. Al-An, dans certains des WC, yani, tu retrouves hatta des journaux, comme c'est le cas en Europe. Des journaux, ceci et cela, yani, pour se mettre à l'aise, on dirait, subhanallah, dans ces toilettes-là. Alors que, normalement, c'est un endroit où tu fais tes besoins et tu sors. Pourquoi? Parce que c'est un endroit dans lequel il y a du mal. Le fait que tu dis a'udhu, c'est-à-dire que tu prends le refuge contre un mal. Donc si jamais il y a du mal dans ces endroits-là, il faut pas rester, yani, s'éterniser dans ces toilettes-là. Et quand les cas, yani, dans certains pays d'Afrique, on voit, mesdames, que les machines à laver, elles se retrouvent dans ces toilettes-là. Et les femmes s'adonnent à cette activité-là qui est de laver les linges tout en restant dans les toilettes. Fait le haqiqa, s'ils peuvent trouver un autre endroit pour le mal, c'est mieux. Parce que les toilettes, ce sont des endroits dans lesquels on retrouve le mal. Lakin, si jamais ils n'ont pas d'autre choix, enfin, tahris, yani, il faut qu'elle s'attache à cette dua-là et qu'elle le dise énormément toutefois qu'elle rentre dans ces toilettes-là, naam. Faut faire attention, parce que ce sont des endroits dans lesquels se trouve le mal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ هَذِي الْحُشُوشْ مُحْتَدَرَةْ. Ce sont des endroits dans lesquels il y a beaucoup de shayatin, naam. Tam qala rahimahullah ta'ala, qabla dhalika, dans cette dua-là, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, dans certaines riwayats, bismillahi, tam, avec une ziyada de bismillah. La basmala n'est pas authentifiée, tam. C'est une ziyada, c'est un ajout qui n'est pas authentique. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala et autres ont évoqué que cet ajout n'est pas authentique. Donc on ne dit pas bismillahi, tam, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Souvent on fait pas exprès, par inadvertance on rajoute bismillah. Cet ajout-là n'est pas authentique, tam. On se contente de dire juste Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. قال رحمه الله تعالى قال باب ما يقول إذا خرج من الخلاء كده تلديه lorsqu'il sort des toilettes et كذلك lorsqu'il a accompli ses besoins. Si jamais elle est à l'extérieur, comme on a pu voir l'imam maintenant, رحمه الله تعالى, il voit que cette dua-là, que ce soit lorsqu'on rentre dans les toilettes ou qu'on se dirige vers un endroit pour faire ses besoins, l'endroit où tu t'es dirigé pour faire tes besoins à l'extérieur, il est considéré comme des WC. Donc à ce moment-là, tu dis cette dua-là. Ah, c'est un col qui est jayid. Fait le haqiqa, c'est un col qui est jayid, comme on a pu voir, parce que khala, certains ils évoquent que c'est l'endroit où tu fais tes besoins. Et c'est pas forcément les WC, ceci et cela. C'est l'endroit où tu fais tes besoins. Comme c'était le cas à l'époque. Ils n'avaient pas tous des WC, lakin, ils prenaient des endroits pour faire leurs besoins à l'extérieur. Qala yaqul ghufranak. إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك أي je te demande غفرانك c'est-à-dire je te demande le pardon أي أستغفرك غفرانك je te demande ton pardon. Le hadith est authentique rapporté par Abu Daoud et autres, et nous dit Cheikh حفظه الله تعالى dans la Hashia qui ne connaît aucun des ulama qui ait jugé ce hadith comme étant faible. C'est un hadith qui est authentique, معروف. تم ها هنا في ذلك الحديث اختلف العلماء وبتو العلماء ils ont évoqué l'explication, l'interprétation de ce hadith là. Pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il est sorti des WC ou de l'endroit où il a accompli ses besoins, pourquoi il disait غفرانك, je te demande ton pardon? Quelle est la cause qui l'est poussé à dire à demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Certains ils ont évoqué, comme c'est le cas de beaucoup de shurrah, comme c'est le cas de l'imam At-Tibi, rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala, parmi les interprétations de ce hadith-là, qala annahu istaghfara min al-hal allati iqtada hujran dhikrillahi azza wa jal. Il a demandé le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il s'est retrouvé dans une situation où il ne peut pas évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma'ruf, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam des dhakir min asma'ihi, parmi ses noms, Ahmed. Ahmed, c'est celui qui loue Allah subhanahu wa ta'ala kathiran. C'est celui qui le loue le plus. Ahmed, ça vient du verbe hamida. Et Ahmed, c'est-à-dire celui qui le loue le plus. Et ma'ruf dit dans le hadith, annahu yu'ta yawm al-qiyamah liwa' al-hamidin. On va lui donner yawm al-qiyamah l'étendard de ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les sifats qui sont invoquées dans le Coran, An-Nabi sallam, c'est lui qui les a. Comme a dit Aïcha, كانت خلقه القرآن. Et parmi les خلق qui est dans le Coran, يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. La chaque c'était An-Nabi sallam, celui qui louait Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'évoquait le plus. Ala kulli hal, da'iman. Fa, le fait que dans ces endroits-là, il n'est pas légiféré de évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait il a considéré ceci comme un manquement. Dans le laps de temps qu'il est passé dans les toilettes, il a considéré ceci comme un manquement. Parce que c'est une personne qui est tout le temps dans le rappel et tout le temps dans l'évocation du nom d'Allah et Azzawajal et dans le fait de mentionner son nom. Lakin dans les toilettes, c'est pas possible. Donc il a dit Rufranak, il a considéré ceci comme un manquement, comme un taqsir. Comme un manquement, donc il a dit Rufranak par rapport au manquement qu'il a eu dû au fait qu'il était dans les toilettes de ne pas pouvoir évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une interprétation. Certains ont dit que le prophète, alayhi wa sallam, il a dit Rufranak, il a dit par rapport au taqsir, de la reconnaissance de cette grande ni'ma qu'est la digestion. La digestion, c'est une grande ni'ma. Celui qui est malade, celui qui est constipé ou celui qui a la diarrhée, il voit le bienfait d'avoir une bonne digestion. Si jamais il est constipé et ça sort pas, c'est une nuisance pour lui. Et si jamais c'est trop liquide, c'est la diarrhée, c'est une nuisance pour lui. فَبَيْنَهُمَا يَنِي الْوَسَطِ qu'il a une bonne digestion. Si jamais il digère bien et qu'il évacue yani, normalement, ça fait partie des grandes ni'mas. Allah Azza wa Jalla, s'il aurait voulu, il aurait pu nous compliquer la vie. Lakin min rahmati jalla wa ala, il nous a facilité ceci. Ce qu'on mange, on peut le sortir de tout avec toute aisance. Il a considéré le fait de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit de ce grand bienfait qui est de digérer et d'évacuer. Il a dit refranak par rapport à cette grande ni'ma dans laquelle beaucoup de gens font preuve d'insouciance. Yani, par rapport à la reconnaissance et la gratitude qu'on doit avoir vis-à-vis de cette grande ni'ma. Comme a dit Tibi, rahimahullah, قال أن القوة البشرية قاصرة عن وفاء بالشكر ما أنعم الله عليه من تسبيح الطعام. L'insan, il est dans la capacité de pouvoir remercier Allah Azza wa Jalla comme il se doit vis-à-vis de ce grand bienfait qui est le fait de pouvoir digérer et d'évacuer normalement. Ils ont évoqué que ces deux explications-là, Rufranak, car c'était quelqu'un qui évoquait Allah Azza wa Jalla kathiran et dans cet état-là, il ne pouvait pas évoquer donc la considérer aussi comme un manquement. Fastaghfara. Wa kadhalika qalu hahuna yastaghfir. Il demande le pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla du fait du manquement que nous avons vis-à-vis de cette grande ni'ma qui est le fait de pouvoir évacuer normalement. Kama jafil hadith al-akhar rapporté par je crois qu'il a fait sunan, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladhi at'amahu wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé de ce grand bienfait et la loi Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand bienfait qui est le fait d'évacuer, de bien digérer. Il a dit alhamdulillah, louange à Allah, alladhi at'ama wa saqa, celui qui nous a nourri et qui nous a donné à boire, wa sawwaqahu, et qui a facilité la pénétration de ces nourritures là, de ces aliments, wa ja'ala lahu makhraja, et qui a facilité une évacuation de ces aliments là. C'est une grande ni'ma. Le hadith, il est thabit. Le hadith, il est thabit. Fi ma dhkur li dans le sunan de Abi Dawud. C'est une grande ni'ma de pouvoir digérer, de pouvoir évacuer ce qu'on mange. C'est une grande ni'ma. L'imam Tibbi, rahmahullah ta'ala, il évoque les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. À travers ce hadith-là. Alhamdulillah, alladhi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Faqala fa dhakara hahuna ni'aman arba'an. Il a évoqué, hahuna, Nabi sallam, quatre bienfaits. Manger, le fait de pouvoir manger avec aisance, rentre facilement. Wa ja'ala lahu makhraja, le fait que ceci sort. Faqala fa dhakara hahuna ni'aman arba'an, il a évoqué quatre bienfaits. Al-it'am, al-suqi, al-taswir, wa huwa al-tashil, al-dukhul fi al-halq, wa al-khuruj. Qala fa innahu khalaqa al-asnan al-mar. Allah Azza wa Jalla nous a donné des dents afin de pouvoir mâcher. Qala warriq lil-bal'a. Et il nous a donné une salive afin d'ingurgiter, yani le plus facilement possible. Wa ja'ala al-ma'ida muqassiman lit-ta'am. Et le ventre lui s'occupe muqassiman. Fait le ventre, il le distribue. Cherchez ce mot-là. Al-ma'ida muqassiman, et elle distribue le ta'am à travers le corps. Wallaha makhrajan. Et ce ventre-là, il a makhraj, yani des évacuations. Qala fassalihu minhu, ce qui est comme vitamines, protéines, tout ce qu'on a besoin pour le corps, qui se trouve dans ces aliments-là. Qala yanba'ithu ila al-kabid. Fait le ventre, il le distribue vers le foie. Wa ghayrihi. Et autres, yani, comme appareil, yani, digestif et l'akhir. وغيره يندفع من طريق الأعمى. Et ce dont on n'a plus besoin, ce qui est nuisant, ce qui est pour notre corps, Allah Azza wa Jal lui, ou plutôt le ventre, le distribue dans la direction des intestins. Enfin, c'est une ni'ma. Allah Azza wa Jal nous a créé d'une manière imparfaite, d'une manière parfaite. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. Il y a à travers la terre des signes évidents pour ceux qui ont la certitude, et kadhalika à travers notre création. C'est pour ça qu'il disait Rufuranak vis-à-vis de cette grande ni'ma là, qui est le fait de pouvoir bien digérer, le fait de pouvoir manger avec aisance et l'akhiri. Qala rahmahullahu ta'ala, qala babu ma yaqul ala wudu'ihi. Que doit-il dire lorsqu'il fait al-wudu? Qala ba'da faragh minhu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abdullah wa rasul. Il atteste Allah subhanahu wa ta'ala unique mérite l'adoration, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Serviteur et son messager. Qala aw yaqul, et fait riwaya, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc il y a deux versions. Soit tu dis ashhadu an la ilaha illallah sans tawkid, sans appuyer, et tu dis wa anna Muhammadan rasulullah, ou bien tu rajoutes wahdahu la sharika lah après l'attestation de l'unicité. Et la deuxième version, elle est meilleure, parce qu'il y a un tawkid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Yani, c'est, tu proclames à travers cela l'exclusivité de l'adoration par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un culte qui lui est loué à lui subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Enfin, la deuxième version, elle est meilleure. Car il y a, en ajout, wahdahu la sharika la. Ce hadith-là, il a une qissa. Kekou Uqba ibn Amr radiallahu anhu, il s'est présenté dans une assise dans laquelle le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait réciter ce hadith-là. Lakin était venu en retard. Tam, faqala, yani, fasami'a min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslim. Il n'y a pas de muslim. Yatawadda'u, il fait le wudu. Fayuhsinu wudu'ahu. Et il accomplit le wudu parfaitement. Thumma yakum, fayusalli rak'atayn. Thumma, après cela, il accomplit deux unités de prière. Muqbilun alayhima biqalbihi. Tout en étant concentré et faisant part d'humilité dans la prière. Biqalbihi wa wajhi. Son cœur est concentré, et kadhalika ses membres, ils sont concentrés, il n'est pas agité, il ne regarde pas à droite, à gauche, et il n'est pas en train de gesticuler. Illa wajabat lahu al-jannah. Sans que ceci soit une cause pour qu'il rentre au jannah. Lorsqu'il a entendu cela, Uqba ibn Amr faqala ma ajwad hadi. Quelle belle parole. Qala fa idha qa'ilun bayna yaday, il a entendu une personne dire, lorsqu'il a dit quelle belle parole, qala wallati qablaha ajwad. Lakin t'as manqué une parole qui est encore plus belle. La parole qui a précédé ce hadith-là est ajwad, et encore mieux. Qala fa nazartu, il s'est mis à regarder qui a dit cette parole-là. Qala fa ida Umar, et c'était Umar qui lui a dit. Lakin, tu as loupé une parole qui était aussi bien. Qala inni qad ra'aytuka ji'tu anifan, je viens de te voir arriver à l'instant, et tu viens d'évoquer yani ce hadith-là. Lakin qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Et celui qui, lorsqu'il finit le wudu, ensuite il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniyah. Celui qui dit cette dua là après, ou plutôt ce dhikr après le wudu, Allah azza wa jalla va lui ouvrir les portes du jannah, les 8 portes du jannah. Qala yadkhul min ayyiha sha, et il choisit par laquelle il rentre. Il choisira par laquelle il rentrera. Fahad, c'est un dhikr ka'adhin jiddan. Après le wudu, on atteste yani des deux témoignages. Et c'est un sabab, min asbab dukhul al-jannah. Qala shaykh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, qala wa hadha dhikr fihi takhlis al-qalb wa tathhiruhu. À travers ce dhikr, cette énonciation, il nous dit kadhalika, il y a une purification des cœurs. Parce que lorsqu'on dit la ilaha illallah, il dit ça c'est une purification des cœurs contre le shirk. فقال كما ان الوضوء فيه تطهير البدن وتخلص. Le wudu, c'est une purification des membres. Et lorsqu'on finit le wudu et ensuite on dit ce dhikr, il nous dit, ahwana al-an, on purifie nos cœurs. On purifie nos cœurs. Enfin, c'est à travers le wudu et le fait de dire cette dua là après, c'est deux purifications. Une des membres à travers le wudu et une des cœurs à travers ce dhikr. قال ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية. Il est dit dans le hadith que huit portes, les huit portes du paradis lui seront ouvertes. يدخل من أي هشاء. Il rentrera par laquelle il veut. فقال كيف تفتح. Comment vont s'ouvrir ces portes-là? قال المعنى, le sens de ce hadith, أنه تيسر له أعمال هذه الأبواب. Qu'Allah عز وجل va lui faciliter les œuvres menant à ces portes-là du Jannah. قال تيسر له الصلاة. Il va lui faciliter l'accomplissement de la prière. والصيام, du صيام. والصدقة, de l'aumône. والجهاد, معروف. وغير ذلك من الأبواب التي هي ثمانية. C'est ça ce qui évolue. يدخل من أي هشاء. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal va faciliter aux personnes qui sont assidues à cette énonciation et qui mettent en application la parole à travers laquelle ils attestent. Surtout la deuxième partie qui est Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire de donner une exclusivité dans le suivi. Car à notre époque, il y a des gens qui disent Muhammad Rasulullah, là, qui disent, lorsque tu dis, قال الرسول, il dit, قال الشافعي. قال الرسول, قال أحمد. قال الرسول, قال, il te répond par قال أبو حنيفة. Il te répond par les أصحاب المذاهب. هذا il a pas attesté, yani, comme il se doit de, أنا محمد رسول الله. C'est-à-dire de le suivre exclusivement. Les ulama, ils ont dit comme, العبادة, لا إله إلا الله, c'est le توحيد العبادة, c'est l'unicité dans l'adoration. Enfin, Muhammad Rasulullah, c'est l'unicité dans le suivi. Enfin, faut faire attention. Ou là, on peut se voir privé d'un grand khair. Et parmi ces khairs-là, ce bien, la rétribution qui est réservée aux personnes qui sont assidues à ce dhikr, à l'énonciation de ce dhikr. Comme on a pu voir, le dhikr, c'est pas le simple fait de prononcer les choses, lakin, c'est de les mettre sur ton application. Donc, ce qui est voulu à travers cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal va faciliter les œuvres qui mènent à ces portes-là. Chaque porte est réservée à une œuvre. كما جاء في الحديث فأما من كان من أهل الصلاة celui qui faisait partie des partisans de la prière فإنه ينادى من أهل الصلاة celui qui faisait partie de أهل الصيام il va être appelé من باب الريان celui qui va être appelé de celui qui était assidu à telle et telle œuvre il sera appelé par rapport à son œuvre. Donc ça nous montre que le Jannah il a des portes qui sont réservées à certaines des œuvres, à certaines des œuvres منه الصيام il y a un bab qui s'appelle الريان et l'akhir. Donc ça nous invite à s'accrocher aux œuvres afin de pouvoir, inshallah, tabarak wa ta'ala, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر, j'espère que tu rentreras dans chacune de ces portes-là, que tu seras appelé à rentrer par chacune de ces portes-là يوم القيامة. قال الشيخ العثيمين, pour finir la parole de الشيخ العثيمين, قال في هذا الحديث, dans ce hadith-là, دليل على أن أبواب الجنة ثمانية, que les portes du paradis sont au nombre de 8. قال وهو كذلك, et c'est tel que ça a été mentionné. قال وأما أبواب النار, quant aux portes de l'enfer, فهي سبع, à son nombre de 7. Pourquoi? قال لأن رحمة الله, parce que la miséricorde d'Allah عز وجل سبقت غضبه, elle a prépondéré sur sa colère. فكانت أبواب رحمته, donc ça implique que les portes de sa miséricorde أكثر من أبواب عقابه, sont plus nombreuses que les portes de son châtiment. كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Et ma miséricorde est ample. C'est pour ça que le Jannah il a 8 portes et que le nar il a 7 portes. Pourquoi? Parce que la miséricorde d'Allah a prépondéré sur sa colère. Ça c'est une explication qui est jayida. On la retrouve cette explication là dans l'explication de Sahih Muslim de Sheikh Al-Uthaymi rahimahullah, le premier volume, la page 505. Donc à travers ce hadith-là, il y a une exhortation à se particulariser à quoi? Aux œuvres par lesquelles on espère, inshallah, être appelé Yawm al-Qiyamah. Et ça nous demande d'être s'accrocher aux œuvres. Al-An, les œuvres, elles sont nombreuses. Les œuvres qui mènent au Jannah, elles sont nombreuses. Il suffit de lire le passage qu'a évoqué l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans Riyad al-Salihin, Turuq al-Khair. Les voies du bien, elles sont nombreuses. Et il en a évoqué une infime partie. Enfin, elles sont nombreuses. Et peu sont les personnes qui peuvent réunir tous les voies du bien. Lakin, inshallah, l'insan, yani, yatashabbath. Il fait en sorte au moins d'avoir une œuvre dans laquelle il s'accroche. Et il espère rencontrer Allah, ya Azza wa Jal, et qu'elle soit une cause pour qu'on l'appelle à rentrer par la porte de cette œuvre-là. C'est pour ça Allah, il dit dans le Coran, ya yuha alladhina amanu taqullah. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ou vous qui croyez, craignez Allah et recherchez al-wasila, l'intermédiaire qui va vous rapprocher de lui. وجاهدوا في سبيله, et faites des efforts dans son sentier, لعلكم تفلحون, et ainsi vous allez réussir. Enfin, parmi les causes de la réussite, le fait de s'accrocher à certaines des œuvres qu'Allah Azzawajal nous facilite. La shak wa la raiba fi, que chaque personne a une œuvre dans laquelle il va trouver une aisance. Certains ça va être dans le siyam, certains ça va être dans le monde, dans le zakat, dans le sadaqa, certains ça va être dans le fait de prier la nuit, ceci et cela. Enfin, chacun il a une chose dont Allah Azzawajal lui a facilité. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ. La chose dans laquelle Allah t'a facilité, accroche-toi dessus. Il se peut qu'Allah Azzawajal, que tu sois appelé يوم القيامة à rentrer par la porte de cette œuvre-là. يتشبث ولا يعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. Il a dit évoque-moi l'œuvre dont tu espères le plus et rencontre Allah عز وجل à travers cela. قال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. Parce que j'ai entendu le pas de tes sandales dans le paradis. Donc là, ça nous montre que cette œuvre-là dans lequel il était assidu, il y a un grand mérite. Au point où cette personne-là, yani, c'est une shahada, et il atteste à travers cela qu'il fait partie des gens du paradis. Bilal, il fait partie des gens du paradis. Ça, c'est un dalil que Bilal fait partie des gens du paradis, parce qu'il a entendu ses pas dans le paradis. Donc, il s'est interrogé sur cette œuvre-là, qui fait que, lorsque le prophète, yani, va demander l'autorisation de rentrer en Jannah, car c'est lui, c'est par le prophète alayhi salatu wasalam qu'on va rentrer au Jannah, c'est-à-dire il va demander la permission, on va lui ouvrir, il va rentrer au Jannah, et ensuite Bilal va le devancer, va être devant lui. Le prophète va rentrer le premier au Jannah, et ensuite Bilal va le devancer. C'est pour ça qu'il a dit bayna yadayya, j'ai entendu devant moi le bruit de tes sandales, c'est-à-dire que c'est une œuvre, il y en a qui ramène devant. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. Il a évoqué que j'étais assidu à cette œuvre-là qui est lorsque je me purifiais, je faisais le wudu, je faisais suivre cela par une prière. Je faisais suivre cela par une prière. Enfin, lorsqu'il lui a demandé quelle est l'œuvre dont à travers laquelle tu espères le plus rencontrer Allah, il n'a pas réfléchi à 10 ans. Directement, il lui a répondu. Donc ça nous montre que ils ont recherché à travers les œuvres multiples, il y en a celles à travers lesquelles ils s'accrochent le plus, où ils sont assidus. Fakata lesquels insan se doit d'avoir des œuvres dans lesquelles il est assidu, dans lesquelles il espère le plus rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces œuvres-là. Comme talab al-ilm, comme la da'wa ila Allah, comme ila akhiri, il y en a parmi les œuvres qui sont nombreuses. Enfin, ça demande à l'insan, lorsqu'il sait qu'une porte du bien a été ouverte, qu'il s'accroche dessus, qu'il s'accroche à cette porte-là, il se peut qu'il soit appelé à rentrer. Comment s'appelle le Jannah, par la porte, yani, relatif à cette œuvre-là. Ce hadith-là, Futihat lahu abwab al-Jannah thamaniya yadkhulu min ayyi hasha. Ceci nous pousse et nous invite à se spécifier dans certaines œuvres. Hauna, il a dit, quelle est la dua qu'on dit lorsqu'on fait le wudu, lorsqu'on a terminé le wudu. Et l'imam Anawi rahimahullah ta'ala, il évoque, est-ce que lorsqu'on fait le tayammum, là c'est relatif au wudu. La dua est relative au wudu. Si jamais on fait tayammum, ça peut arriver. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fa tayammum. Si on ne trouve pas de l'eau, ou l'eau elle est insuffisante, ou on ne peut pas, on n'est pas dans la capacité de pouvoir utiliser l'eau, fa qala subhanahu wa ta'ala fa tayammum. Donc, faites le tayammum. Est-ce que lorsqu'on fait tayammum, il est légiféré de dire après tayammum, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, pour espérer que l'une des portes du jannah s'ouvre à nous yawm al-qiyamah? Lui, il voit que tu as le droit. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, il évoque que tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'il dit, at-tayammum, c'est le wudu. Hatta ja fi al-hadith, qala as-sa'id wudu al-mu'min, wa illam yajid al-ma' 'ashra sinin. As-sa'id, c'est-à-dire la terre, c'est la purification du mu'min. C'est le wudu du mu'min. Même si jamais il trouve pas l'eau, il y en a 'ashra sinin. Même s'il trouve pas d'eau pendant 10 ans. Donc, il a évoqué que, dans le hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que as-sa'id, qui veut dire, ahwana at-tayammum, c'est le wudu du mu'min. C'est ce qui remplace le wudu. Fa fil haqiqa c'est un qiyas qui est jayid. C'est une analogie qui est bonne. Kazalika, il est légiféré de dire cela, wallahu a'lam, comme l'a évoqué l'imam, lorsqu'on fait lorsqu'on fait tayammum, on finit tayammum, kazalika, on dit cette dua-là. Parce que le tayammum, c'est le badil, c'est le remplaçant du wudu. Et Al-Nabi Sam, il l'a considéré comme étant un wudu. Qala as-sa'id wudu al-mu'min. Naham. Fahaza, c'est une faïda qui est jayida. Allez, c'est une faïda qui est jayida. Tam. On va finir, inshallah, par cette faïda-là. Qabla dhalika, j'allais oublier. Yann ziyada dans le hadith. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Cette ziyada-là, elle n'est pas authentifiée. Cette ziyada-là, elle n'est pas authentique. Tam, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Cet ajout-là, wa ja'alni min al-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Place-moi parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Cette ziyada, cet ajout-là n'est pas authentique. Il a été jugé comme un sabbat de faible par l'imam Tirmidhi rahmahullah ta'ala et kadhalika parmi les contemporains comme l'imam Mokba rahmahullah ta'ala, que le hadith il est muttarif, c'est-à-dire qu'il y a un rapporteur qui a un manquement dans la mémorisation. Un manquement dans la mémorisation et il n'a pas mémorisé le hadith comme il se fallait. Et il est venu d'autres versions, lesquelles sont toutes faibles. Toutes faibles, il n'y a pas le hadith qui renforce cet ajout-là. C'est un ajout qu'il faut délaisser. Certains ont évoqué qu'il est authentique, comme Ahmed Shakir, comme l'imam al-Albani fi Mathkur, lakin toutes les autres versions, ce sont des versions qui sont faibles. Ce sont des versions qui sont faibles. Fait la parole qui me paraît le plus juste, c'est la parole de l'imam al-Tirmidhi qui dit que ce hadith-là, plutôt cet ajout-là, n'est pas authentique. Non. Pour finir, Inch'Allah, katalika, est-ce que lorsqu'on commence le wudu, on a le droit de dire Bismillah? Est-ce qu'on peut dire Bismillah? Déjà fait le hadith, la wudu liman lam yadhkur isma Allah. Pas de wudu valide pour celui qui n'aura pas évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est un hadith qui n'est pas authentique. Bil khulasa. L'imam Ahmed rahmahullah ta'ala, il a dit la yathbut fihi shay. Il n'y a pas un hadith, il n'y a rien qui est authentifié dans ces termes-là. Wa qala l'imam kadhalika al-Bukhari, il a évoqué que c'est un hadith, ce hadith-là est dhaif. L'imam Ahmed, l'imam Abu Zura, l'imam Abu Hatim al-Bazar al-Uqayli, il y en a beaucoup parmi les mutaqaddimin, ils ont évoqué que ce hadith-là n'est pas authentique. Ensuite, ils ont divergé par rapport au jugement. Car certains, ils ont dit que c'est une obligation d'évoquer le nom d'Allah, Bismillah, lorsqu'on fait le wudu. Par rapport à ce hadith-là, lequel ce hadith, comme on peut le voir, il est faible. Le Jumhur, la majorité des ulama, ils disent que c'est mustahab. C'est recommandé. Certains, ils voient que c'est autorisé. Comme c'est le cas de l'imam Abu Hanifa et autres. Ils disent que c'est autorisé. Et l'imam Malik, il évoque, lui, que c'est une bid'a. Que c'est une bid'a, donc c'est une innovation. Parce que il évoque que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a fait énormément de wudu, et aucun hadith n'est authentifié dans ces termes-là. Enfin, l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est un avis qui est jayyid. C'est autorisé. Si jamais il le dit, fait khair, si jamais il ne le dit pas, ben, il le laisse, inshallah. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Wallahu a'lam. Ha, nasallahu subhanahu wa ta'ala, on va se contenter de cela. Nasallahu azawajal, yanfa'ana wa yakum, bima sami'na.